me prépare à l'affaire, frère. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire, frère. Encore un jour sombre, comme un ciel gris sur nos têtes. La mer du Manguidome, c'est que de la peine qu'on âme reflète. Heureusement que j'ai ma reine, chaque soir apaise mon âme. Les deux pieds dans l'arène et dans chaque main j'agrippe les rames. Faites-moi signe quand ce sera mon heure. La tristesse une tumeur, j'emmagasine comme dealer devant son beurre. Ouais j'évacue quand je suis au mic et j'oublie tout. Rature mon bloc note de phrases, de gris, bouillage partout. Comme la police ça tourne en rond dans le ZEF. Dehors y'a trop de risques, comme Lutch, ouais, faut niquer le BNF. J'ai du mal avec l'autorité des gens qui font pire que nous. Fermez tes jugements, tout sort pour te voir à genoux. Ils manipulent la masse, les médias comme complices. Et ça te parle du Hamas, donc des plaintes contre nos ministres. La liste est longue comme celle de Liebenstein. Le côté sombre de leurs élites, c'est Argentine contre Liechtenstein. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire, frère. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire, frère. Toutes leurs promesses qui mènent à rien. Se gaver comme des porcs jusqu'au problème coronarien. Tout ça sur le dos des pauvres. Justice qui laisse les pédophiles dehors, on fait pas le poids. Et ma parole, j'ai trop les morts quand on mange à chaque fois. Si t'as le bras long, tu t'en sors bien. Sinon faudra haras. Le baveux qui te demande le prix d'un rein. On se laisse pas faire comme Nat Turner. Je veux pas que mes gosses finissent B. Comme un Fida Turner à tourner dans le corner. Le monde est baisé, y'a plus rien de normal. On parle de non-genre et tout le monde trouve ça normal. Dur de protéger les siens devant la menace fantôme. J'irai crier mon soutien de Marseille à Place Vendôme. La haine gangrène les rêves depuis que t'es gosse. Si t'attends une trêve, tu seras déçu quand elle enlève le gloss. Aujourd'hui j'ai les idées noires parce qu'on m'a fait croire à un bonheur illusoire. Sorti tout droit d'un tiroir. La paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire, frère. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire. Qui veut la paix prépare la guerre. En attendant, moi je me prépare à l'affaire, frère.